peut... Qui connaît? Alléluia! Alléluia! Tu peux chanter avec nous? Alléluia! Alléluia! Encore! Machianti, Ikita, Poakiaboumi. Mais pour le roi de gloire. Alléluia. Nous allons faire la lecture du psaume chapitre 100, le verset 4. Nous pouvons commencer au verset 2. La Bible dit: servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la parole de Dieu? J'espère que chacun de nous a écouté la parole de Dieu qui nous recommande d'entrer dans la maison de l'Éternel avec des chants d'allégresse. Ce n'est pas à moi de vous demander de vous tenir debout. Je pense que la Bible est claire. Si vous n'êtes pas entré dans cette maison sans cri de joie, sans chant d'allégresse, le temps vous est donné. Vous pouvez crier à l'Éternel, vous pouvez chanter à l'Éternel, vous pouvez célébrer son nom. Est-ce que pendant une seconde, quelqu'un peut le célébrer? Pendant une seconde, quelqu'un peut... Gloire à Jésus. Nous allons chanter avec la chorale un chant de louange ensemble. solo merci bona maso o sali polaka ala pesi o merci solo merci le seigneur pour ce qu'il fait pour toi bitamele mikolo mikolo mikolo mikolo mikolo tu as Jésus tu as papa. Yeah. Chouka Kidoko Chi. On y va. Pour Jésus. Pour papa. Pour Seigneur Pika Mika. On a Jésus. On a papa. On a Jésus. Oh ya ya ya ya. Ya ya balé kemele. Ya ya ya ya. Ya ya balé kemele. Ya ya ya ya. Ya ya balé kemele. Yo papa. Yo papa. Yo papa. Yo papa. Ça me ya elonga. Yo papa. Ça me na mama poli. Yo papa. Dolina kayo mingi. Yo papa. Oh yo papa. Yo papa. Yo papa. Yo papa. Sugar tree. Il m'a donné la joie que le monde ne donne jamais. Oh, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Pambola, pambola, pambola, pambola, pambola, pambola, pambola. Pika, pika, pika. Oh, Jésus a changé ma vie. Je vais crier pour sa gloire. Oh, Jésus a bouleversé mon corps. Je vais crier pour lui. Oh, la paix de Jésus. La paix de Jésus. La paix de Jésus. La paix de Jésus. Lui m'a donné la paix que le monde ne donne jamais. On y va, pour Jésus, on y va. Et qu'on s'allait la jambe, ça est c'est go, mon ingo. Et qu'on s'allait la jambe, ça est c'est go, mon ingo. Jésus, que vous gagnez. On a Jésus. Ah, la moquille est là, quoi, Zanja. Nous avons senti combien tu es bon. Jamais nous allons te quitter. On y va. On y va. Bika, bika, leke. Salandenge to koma. Est-ce qu'il y a des cris de joie dans la salle? Est-ce qu'il y a des cris de joie dans la salle? Vos cris de joie n'arrivent pas ici des fois. Ce Dieu qui a changé nos vies. Huyu Mungu anabadilisha maisha yetu. Huyu Mungu anatutunzaka. Huyu Mungu anatuokoa. Huyu Mungu anatuchungiaka batoto. Huyu Mungu eko na pasula njia pale bantu wa pasulaki. Huyu Mungu eko na tembea yulu ya mai pandanke ba disciple eko na chenkete. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Nini Mungu alifanya maisha yako? Souviens-toi de ses bienfaits et élève ta voix. Parle-lui. Juste ta présence pendant ce moulin m'attrape. tu nous exauces. Oui, ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce et ta bonté, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, commence à bénir. Avant que les instrumentistes et la chorale ne reprennent, commence à bénir. Élève ta voix, commence à bénir. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Commence à bénir le Seigneur. Oui, merci Jésus, parce que tu es notre Dieu. Oh, ta voix n'arrive pas encore. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Oui, élève-le. Oui, élève-en tout. Élève-le. Mon agneau est. Alléluia. Parable notre Dieu. Le Seigneur reste fidèle. quel que soit le parcours que tu passes dans ta vie, il est fidèle. Il envoie sa parole. Sa parole nous guérit. Sa parole fait ce qu'elle dit qu'elle va faire. C'est pourquoi la parole de Dieu est donnée. Saisis la parole. Parce qu'elle fera ce qu'elle dit qu'elle fera. Moulima 30, c'est le moment où nos cœurs sont tournés vers le Seigneur. Rien que Dieu. Rien que Dieu. Je te dis pendant ces jours, rien que Dieu. Rien que Dieu. Oh, il est merveilleux. Un Dieu comme celui-ci. Quand tu es devant lui, toutes les possibilités te sont données. Oh, alléluia. Combien ça coûterait. Oh, merci Jésus. À la croix, il a pris ma place. Oh, merci. Un Dieu s'est donné. Je ne peux. Oh, alléluia. Combien ça coûterait. À la croix il a pris. Oh, merci Jésus. Un Dieu se donner. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, merci. Père, merci. Baba Xant. Je bénis ton nom, je bénis ta présence. Nabariki Chuna Lako, Nabariki Wepoako. Reçois l'honneur. Poké Shima. La puissance et la gloire. Oué Sona Otokofu. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer? Tu peux célébrer le Seigneur. Tu peux encore le célébrer. Le culte, c'est la fête. Le culte, c'est la joie. J'aimerais qu'on loue le Seigneur avec la chorale. Nous allons louer le Seigneur avant d'écouter la parole ce soir. Parce que le culte, c'est la joie et c'est la fête. Nous restons debout quelques moments. Oui, ma soeur, maman Gloria. Le nom de Jésus au-dessus de tout. Comme la Yesu et les guignons comme la guignons. Alléluia. Et les guignons Parle-moi ce soir. Élève ta voix, dis Seigneur, parle-moi. Ton serviteur écoute. Parle-moi, Seigneur. Il y a quelque chose à recevoir ce soir. Il y a quelque chose à changer dans ma vie ce soir. Il y a quelque chose pour ma destinée ce soir. Il y a quelque chose pour ma maison. Pour mes projets, pour mon travail ce soir. Personne n'est à jamais me rencontrer sans rien recevoir. Tu n'as jamais rien reçu entre tes mains. Alléluia. Sans produire un miracle. Alléluia. Oh merci Seigneur. Je bénis ton nom. Je bénis ce moment. Je bénis ta parole. Laisse que cette parole ce soir transforme ma vie, transforme l'église, transforme ce pays. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Toi qui es fidèle. Toi qui es fidèle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. À santé bonne. Nous te recommandons nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous appelons l'orateur de ce soir, c'est toujours le pasteur Trésor. Est-ce que nous pouvons nous lever et célébrer la présence de l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? On peut accueillir correctement l'homme de Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour lui? Qu'il te soit fait selon que tu acclames. Pendant que tu acclames, que Dieu te visite. Pendant que tu l'acclames, que la faveur s'attache à ta vie. Nous sommes ici pour lui et pour lui seul. Il mérite d'être célébré. Que son nom soit béni. Seigneur Dieu, tu sais combien nous avons besoin de toi ce soir. Depuis le premier jour, tu ne cesses de nous parler. Ce soir encore, nous sommes disposés. Parle car tes serviteurs écoutent. Parle car ton peuple écoute. Nous voici disposés à recevoir la portion que tu as prévue pour nous. Que tous les autres noms disparaissent. Que seul le nom de Jésus soit glorifié. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je ne cesserai de dire merci à son serviteur, le père qu'il a établi en cet endroit, ainsi que maman. Merci infiniment, pasteur Désiré. Merci également à maman. Est-ce qu'on peut apprécier la qualité des parents que Dieu nous a donnés? Nous sommes fiers. Alors ce soir, je vais continuer, comme vous le savez, depuis le premier jour, nous sommes dans notre grande thématique, va avec la force que tu as. Tiré des Juges, chapitre 6, verset 14. Nous avions proposé de parler de cet enseignement en trois points. Le premier point était relatif à un bref aperçu du contexte historique du livre des Juges. Parce que la phrase qui nous concerne va avec la force que tu as est tirée justement des Juges 6:14. Il a été dit à Gédéon d'aller avec la force qu'il avait. Nous voulons donc dans ce premier point comprendre dans quel contexte historique se trouvaient les juges d'abord, et puis Gédéon. Le deuxième point, il était question de vous parler du juge Gédéon et de quelques défis qu'il devait relever. Et le troisième point que je commencerai demain, 4 dimensions de la force de Gédéon. Hier, on s'était arrêté en parlant justement du deuxième point, les juges Gédéon. J'ai donné 2 informations sur lui. Aujourd'hui, je vais toucher la troisième. Et c'est cette troisième qui, petit à petit, m'amènera vers le dernier point. La première chose à savoir sur Gédéon, c'est qu'il est le fils cadet. Le fils cadet d'un homme appelé Joas. Lorsque l'ange vient lui dire, vaillant héros, l'ange l'appelle vaillant héros. Gédéon dit, je n'en suis pas un. Moi-même, je suis ma famille d'abord et la plus petite dans Manassé. Et moi-même, Gédéon, je suis le plus petit dans la maison de mon père. D'autres versions ont rendu ça différemment. Une autre version que j'ai consultée a dit ceci. Je suis le cadet dans ma maison. Une autre version dit, je suis le plus faible. Je n'ai pas d'expérience. Si Dieu veut délivrer son peuple, qu'il cherche des gens forts, les aînés par exemple, les gens outillés, moi je n'ai pas de force, moi je suis faible, je suis un cadet dans ma famille. Mais Dieu a choisi un homme faible. Dieu a choisi un homme petit pour manifester sa gloire. Ça me fait rejoindre l'apôtre Paul. Paul dit, Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles pour confondre celles qu'ils sont. Gédéon est faible, mais entre les mains de Dieu, le faible Gédéon devient l'arme stratégique de Dieu pour la délivrance. Entre les mains de Dieu, celui qui était petit est devenu la solution pour Israël. J'ai insisté pour dire, tout ce qui tombe entre la main de Dieu peut faire quelque chose pour sa gloire. Dans la main de Dieu, on ne peut pas dire qu'on est faible. Notre faiblesse est justement la stratégie de Dieu pour manifester sa gloire. Quelqu'un dit amen très fort. La deuxième information sur Gédéon, je l'avais aussi donné hier. Son nom signifie coupant ou abattant. Celui qui coupe, celui qui abat. C'est un peu comme ce que Dieu avait dit. Je t'ai choisi pour que tu arraches, pour que tu abattes. Et en face de Gédéon, il y a un peuple oppresseur qui s'appelle Madianite. Les Madianites sont les habitants de Madian. Souvenez-vous, lorsque Moïse a fui Pharaon, il s'est réfugié à Madian. C'est de là que viennent les Madianites. Et à cette époque de l'histoire, les Madianites oppressaient Israël. Le mot qui a donné Madian ou Madianite, signifie lutte ou dispute. Qu'est-ce qui se faisait? Le texte dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Madian ne venait pas seul. Il y avait une association. Une association méchante. Une association de destructeurs. Madian s'associait à Amalek. Et aux fils de l'Orient. Et la Bible dit qu'il marchait contre Israël. Israël sème. Israël transpire. Israël travaille. Mais au moment de la récolte, les Madianites, le peuple d'Amalek et les fils de l'Orient venaient. Écoutez ce qu'ils faisaient à Israël. La Bible dit qu'ils campaient en face de lui. Détruisaient. Ça, c'est un verbe fort. Ils détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Israël sème. Mais c'est au moment de la production, au moment de la récolte, au moment de la jouissance, au moment du repos, Amalek, Madian et les fils de l'Orient viennent pour empêcher Israël de jouir de sa production. C'est ça Madian. Madian est comme Amalek. Dans Exode 17, la Bible dit Amalek vint combattre Israël à Refidim. Amalek vint combattre Israël à Refidim. Pas en Égypte, mais à Refidim. Parce que Israël a déjà gagné une bataille, la sortie de l'Égypte, à travers la mer Rouge, bien sûr. Et Israël s'engage dans une marche vers la terre promise. Et cependant sa progression vers la terre promise, pendant la marche vers la terre promise, c'est là que Amalek vint dans un endroit appelé Refidim. Refidim signifie repos. Israël n'est plus en Égypte. Israël est en mouvement vers la terre promise. Et c'est là qu'Amalek vint, exactement comme les Madianites, exactement comme les fils de l'Orient. Quand tu sèmes, ils ne viennent pas. Mais lorsque quelque chose commence à bouger, lorsqu'il y a un mouvement vers le progrès, c'est alors que ses ennemis viennent pour détruire la production. Et hier j'avais déclaré, je le déclare encore ce jour, tu jouiras de tes productions, tu jouiras de tes semences. Tout ennemi qui se lève pour détruire ce que tu as semé, le ciel se lèvera contre lui. Madian est donc l'ennemi de notre progression. La troisième information que je voudrais donner sur Gédéon, et ça sera ça l'objet de mon message de ce jour. Je vais rester longtemps sur ça, parce que demain nous allons déjà commencer à explorer cette force de Gédéon. La troisième information qui se dégage de ce texte, c'est que Gédéon avait une certaine force qu'il ignorait. Gédéon avait une force qu'il ignorait. C'est l'ange qui vient le conscientiser. Va avec cette force que tu as. Lui, il s'attend à une arme entre les mains. Lui, il s'attend à ce que Dieu lui donne des moyens importants et imposants. Mais Dieu lui dit, ce dont tu as besoin, tu l'as déjà. Je vous ai fait remarquer que l'ange ne lui dit pas va avec la force que tu auras. Il n'est pas question de quelque chose qui viendra demain. Au moment où Dieu vient le voir par l'ange, Gédéon a déjà une force en lui. Il ne l'aura pas. Il l'a déjà. Et j'ai insisté pour dire, tout ce dont vous avez besoin pour gagner les batailles de votre vie, vous les avez déjà. Tout ce dont vous avez besoin pour gagner les batailles de votre vie, vous les avez déjà. Vous les avez déjà en miniature. Ça va se développer. Ça va croître. Mais la semence de la victoire, vous l'avez déjà. Déjà. Vous l'avez déjà. Adam a un problème dans le jardin. Alors qu'il est en train de nommer les animaux, il se rend compte qu'à côté d'un mâle, il y avait une femelle. Quand il nomme le lion, il voit à côté du lion la lionne. Quand il nomme le tigre, à côté il y avait une tigresse. Quand il nomme le chien, à côté il y avait une chienne. Quand il nomme un éléphant, et de le prédicateur, le féminin de l'éléphant, c'est quoi? Tembo, la femelle de l'éléphant. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, je regarde la Bible. Tembo, wa manamuke, jina yake, ni nani? C'est toujours éléphant, non? Ni tembo, voilà. Tu. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas un problème. Kama ina ile tena, aitoshe kitu. Ce n'est pas un péché. Aina zambi, aina mambo. Mais pour lui, kungambo yake, il n'y avait pas d'être semblable. Akukuya, musaidishi kama yeye. Il était seul. Alors il s'est cherché. D'où viendra ma moitié, mon être semblable? Et Dieu lui fait passer par une opération. Pendant qu'Adam dort, la question que je vous pose, Ève est venue d'où? D'un arbre? d'une rivière, d'un nuage, Ève est venue de la côte d'Adam. Dieu a tiré une côte et il a créé Ève. Adam cherchait une femme en regardant le jardin. Mais Dieu savait que la femme était déjà en elle. Tout ce que vous cherchez autour de vous, en réalité, Dieu a déjà placé ça en vous. J'annonce à quelqu'un, ce que tu deviendras demain, c'est déjà en toi. Gédéon a une force qu'il ignore. Gédéon a un potentiel qu'il ignore. L'ange lui dit, va avec la force. Va avec cette force que tu as. Le problème avec nous, nous regardons plus aux choses que nous n'avons pas au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons. Nous regardons au maximum que nous n'avons pas et nous ignorons le minimum que Dieu nous a donné. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, arrête d'envier le voisin. Dieu a placé en toi quelque chose et c'est ça qui fera la différence. Entrons maintenant dans le vif. Le terme force. Quand Dieu dit va avec cette force. Va avec cette force que tu as. Le mot force est le mot clé de notre séminaire. Le mot force est le mot clé de ce Mouli Matran. C'est quoi cette force? Le mot force qui est utilisé ici vient d'un terme hébreu. Je vais appeler cela K O A C C'est H. Na H. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est quelque chose comme Koach. Si je ne prononce pas bien, ne me tenez pas rigueur. Je ne suis pas hébreu, je suis congolais, quinois. K-O-A-C-H. Koach. Koach. C'est dans Juges 6, 14. Le mot qui est utilisé ici pour force signifie richesse, utajiri, pouvoir, ueso, puissance, nguvu, richesse, utajiri, pouvoir, mamlaka, puissance, ueso, moyen. Manamu na mbalimbali. Ça signifie aussi possibilité. Maana yake tena ni namna ya kupata kitu, uwezaji, richesse, utajiri, pouvoir, mamlaka, puissance, ueso, moyen, manamu na mbalimbali, possibilité. Jia tena ingine fulani. Et en parlant de force, kwa kusungumzia kuhusu nguvu, on peut parler de force humaine. Utasema nguvu ya kimutu. Koach est utilisé pour parler de force humaine. Inatumia kwa ajili ya nguvu ya kimutu. Koach est aussi utilisé pour parler de la force des anges. Parce que très souvent dans la Bible, on parle des anges qui sont extrêmement forts et puissants. Koach est aussi utilisé pour parler du pouvoir de Dieu. Mais ce mot est aussi utilisé pour parler de la force des animaux. Par exemple, lorsque Proverbe parle des animaux forts, il cite les lions qui ne reculent devant rien. C'est un animal fort, puissant, qui ne recule devant rien. Koach, c'est la force humaine. À certaines occasions, il est aussi utilisé pour parler de la force des anges, de la force de Dieu, mais aussi de la force des animaux. Mais non, Sasa, dans le langage métaphorique de notre texte, katika usemi ule ule, wa usemi wetu, le mot force itamuko, que Dieu utilise ici Mungu anatumia hapa, et qu'il applique à Gédéon, anaitumia kwa Gideoni, signifie une capacité, maana yake uwezaje, une habileté, maana yake uwezaje, une aptitude, maana yake hali moya, que Gédéon possédait déjà. Ile Gideoni alikuwa nayo. Une capacité, uwezaje moya, une habileté, uwezaje moya, une aptitude, maana yake hali moja, un atout, maana yake uwezo na nguvu, que Gédéon possédait. Ile Gideoni alikuwa nayo. Cette force, ile nguvu, ça peut être un courage. Cette force, ça peut être un talent naturel. Cette force, ça peut aussi être surnaturel. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou surnaturelle, ce que vous devez comprendre, et ça c'est très important, votre succès dépendra de l'utilisation de cette force. J'insiste, vous n'arriverez nulle part avec la force du voisin. Vous ne gagnerez pas les batailles de votre vie avec la force du voisin. Le temps est arrivé d'arrêter d'envier les gens et de vous concentrer sur vous-même et de commencer à courir votre course avec la force que Dieu vous a donné. Je dis à quelqu'un ce soir, vous avez quelque chose que le voisin n'a pas. Donnez-moi un bon amen, je vais avancer. Je vais donner quatre principes liés à la force. Voici le premier. Chacun de nous possède une force. Il n'y a personne sur cette terre qui est venu sans force. Chacun de nous possède une force. Ne vous en faites pas, tout à l'heure je vais parler de notre force en tant que croyants. Mais je commence par le premier principe. Dieu nous a envoyés sur cette terre avec une force. Pour les uns, c'est peut-être la capacité à bien parler. C'est une force. Ne le néglige pas. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être la capacité à faire la comptabilité. Moi, si vous voulez m'embrouiller, amenez les mathématiques. Ce n'est pas mon côté fort. Un jour, pasteur, je suis élève à l'école. Je n'oublierai jamais. À chaque fois que le professeur enseignait l'anglais, moi je sortais. Ceux qui ont étudié à Bokele, à les connaissent, ils s'appellent Bissot Joe. L'anglais entrait, moi je sortais. Je n'aimais pas l'anglais. Ce n'était pas mon fort. Ce n'était pas mon côté fort. Un jour il m'a dit, au lieu de fuir mon cours, au lieu d'apprendre plus tôt, toi tu es en train de sécher le cours. Il m'a dit un jour, tu te souviendras de moi. Ce que tu fuis aujourd'hui va te rattraper. Je sortais, je disais, ah, Mr. John, laisse-moi. Moi, je viens étudier la biologie. Toi, tu es en train de me dire greeting. Hello, how are you? Je n'ai pas besoin de l'anglais. Ce jour-là est arrivé malheureusement. Je suis allé prêcher aux États-Unis avec mon épouse. On avait le visa. On arrive à Washington DC, l'aéroport. Pour entrer maintenant, il fallait passer par le service de l'immigration. On avait préparé dans notre glacière, il y avait des histoires à manger, chikwanga, poulet braisé, côte de porc, il y avait les matembele bien grillés, bien congelés, on a mis dans des glacières. Maintenant, l'Américain qui était à l'immigration nous a fait passer. Pas comme tout le monde, parce que tout le monde passait, il nous a mis à gauche, il a dit, vous attendez. Parce que dans la glacière, il a vu des choses qui avaient l'apparence d'une bombe. Maintenant, il fallait que je lui explique que ce n'est pas une bombe. C'est du poulet braisé, c'est la chikwang, c'est les matembele, tout ça en anglais. Et c'est là que je me suis souvenu de Mr. Jones. Pasteur, j'ai fait des scènes impossibles. J'ai dit à l'américain, you know. Ça c'est pousse de poulet. C'est-à-dire la braiser. Tout. Et lui-même, il a éclaté en... Ce que tu fouilles, ça va te rattraper demain. Dans la vie, il ne faut pas brûler les étapes. Chaque étape compte. Aujourd'hui, tu es en train de t'affermir, ne fouille pas. Même si je n'aimais pas l'anglais, même si ce n'était pas mon fort, j'aurais pu apprendre. Je vais en parler demain. Quelquefois, vous n'êtes pas fort dans un domaine. Repérez celui qui est fort dans ce domaine et associez-vous à lui. Ne le combattez pas. Parce que dans la vie, nous nous complétons. Tu as une force que je n'ai pas. Moi aussi j'ai une force que tu n'as pas. Si nous voulons gagner, mettons-nous ensemble, mettons nos forces ensemble. Dans tous les cas, c'est le royaume des cieux qui avance. Même si c'est toi qui marque, on ne dira pas toi. C'est l'équipe qui va gagner. Même si c'est Lamine Yamal qui marque, même si c'est Mbappé qui marque, on ne dit pas Mbappé 1 et l'autre équipe 0. On dit toujours Real ou Barcelone. Ça veut dire, toi et moi, nous sommes comme des joueurs dans le royaume. Si l'un de nous marque, la gloire revient au royaume de Dieu. La gloire revient au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ici pour faire avancer l'équipe. Nous ne sommes pas ici pour qu'on nous célèbre, nous. Dis à ton voisin, tu as une force. Ne le néglige pas. Alors la question que je vous pose, c'est quoi votre force? Tout au long de Moulima 30, le merveilleux orateur nous parlera de la force. Quelle est votre force? C'est quoi votre force? Il y a des gens qui réussiront uniquement en développant leur force. Moi qui vous parle, j'ai un diplôme de droit. Ça me sert. Mais aujourd'hui, pasteur, vous ne m'avez pas invité en tant que juriste. Vous m'avez invité en tant que prédicateur. Qui aime Kylian Mbappé? Qui aime Lamine Yamal? Est-ce que si vous donnez à l'ami Nyaman le micro ce soir pour me remplacer, est-ce que c'est la même chose? Maintenant, si moi aussi vous me donnez une culotte, j'entre dans les stades pour jouer. C'est que je n'ai pas. Je ne le donnerai pas. Je ne donnerai que ce que j'ai. Oh. Pierre a dit aux paralytiques, l'or et l'argent que toi tu cherches, on n'a pas ça. Cette force-là, nous n'avons pas ça. On a une autre force. C'est ce qu'on va te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'annonce au peuple de Likasi. Cette ville va se développer parce que chacun de nous va donner ce qu'il a. Donnez ce que vous avez. N'inventez pas. La vie est faite comme ça. On vous invitera pour donner ce que vous avez. Donnez-moi un bon amen, je vais prêcher. Papa Eric, N'est-ce pas que dans la fête de Cana, là où Jésus a accompli son premier miracle, n'est-ce pas que le vin a manqué? Hein? Le vin a manqué. Écoutez-moi. Dans les fêtes juives, manquer du vin est très grave. Parce que les fêtes chez les juifs s'étendaient sur des semaines et des jours. Et le vin permettait aux gens, même s'il n'y a plus à manger, de rester dans la fête. Et celui qui ne prévoit pas assez de vin tournera en ridicule pendant la fête. Et dans cette fête-là, le vin a manqué. C'est-à-dire la chose qui peut faire que la fête continue, ça a manqué. C'est comme quelqu'un ce soir, dans la fête de son mari, dans la fête de son mariage, dans la fête de sa vie, dans la fête professionnelle, il y a quelque chose qui manque pour que les choses continuent. Mais il y a quelque chose que j'aime. Le vin a manqué après. Au début du texte, on dit, il y avait fête à Cana, Jésus était invité. Le vin a manqué après, mais Jésus a été invité. Qui est Jésus? Jésus a dit, je suis le vrai cep. Je suis la vigne. Le vin a manqué, mais l'arbre qui produit le vin est invité. Le produit a manqué, mais la source du produit a été invitée. Dans votre vie, si le vin manque, c'est pas un problème. Si Jésus est invité, même si le vin manque, Jésus qui est invité, il va vous dépanner pendant ce manque. J'annonce à quelqu'un, au lieu de regarder le vin qui manque, invitez Jésus dans votre vie. Au lieu de regarder le vin qui manque, invitez Jésus dans votre vie. Dans cette fête, ils n'avaient plus de vin, mais ils avaient Jésus. Dans la vie de quelqu'un, c'est aussi comme ça. Le vin, c'est quoi? C'est tout ce qui manque dans votre vie. L'argent, la promotion, les finances, le mariage, la guérison. Ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce que vous avez? Jésus de Nazareth. Vous comprenez que dans la dynamique du royaume, Dieu nous amène à être conscient de choses que nous avons. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Dans la vallée d'ossements desséchés, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de chair. Il n'y avait plus de peau. Il n'y avait plus rien. Mais qu'est-ce que cette vallée avait? Des ossements desséchés. Les ossements desséchés qu'il y avait, c'était la seule force disponible pour apporter tout ce qui manquait. Qu'avez-vous ce soir? Je ne parle pas du voisin. Je vais dire quelque chose de sérieux. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Mais Dieu n'a pas dit qu'il va nous bénir tous au même moment. Ça n'existe pas. Si nous sommes tous des mangues, nous n'allons pas tous mûrir au même moment. Ça veut dire que dans la vie, il y a un temps pour toute chose, mais il y a aussi un temps pour toute personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit il y a un temps pour pleurer. Complétez-moi. Hein? Et un temps de joie. Il y a un temps pour chercher et un temps pour trouver. Est-ce que vous remarquez que la vie est faite de temps? Un temps de pleurs, un temps de réjouissance. Un temps pour naître, un temps pour mûrir. Maintenant regardez, qu'est-ce qui sépare les deux temps de la vie? La conjonction est: il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Maintenant dans la vie, le « et » là, ça signifie beaucoup de choses. Le « et » là, ça peut être la force qui vous permet de quitter un temps de pleurs pour entrer dans un temps de réjouissance. Le « et » là, ça peut signifier la vie de prière. Les et là, ça peut signifier la grâce. Il y a un temps pour pleurer. Et c'est-à-dire la grâce intervient et les pleurs se transforment en Je parle à quelqu'un. Concentre-toi sur ce que tu as. Tu as une force que je n'ai pas. Tu as une force que ton père n'a pas. Tu as une force que ta mère n'a pas. Et je me tiens ici comme un prophète. J'annonce à tous les fils, vous irez plus loin que les pères. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Y a-t-il un fils ici? Vous irez plus loin que les pères. Ce que les pères ont obtenu très tard, vous les obtiendrez très tôt. Pasteur, Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham. Je parle de qui? D'Abraham. Lève les yeux et regarde. Le pays que tu vois, je ferai quoi? Je te le donnerai. Donne-moi un bon amen. Amen. Abraham, amen. C'est le père. Qu'est-ce qu'on demande au père? De lever les yeux, de regarder. Ce que le père voit, Dieu lui donnera. Maintenant, quand Dieu vient voir Josué, qui est fils d'Abraham, qui est descendant d'Abraham, Dieu répète la même promesse, mais il change de verbe. Abraham, on a dit, lève les yeux et regarde. Tout lieu que tu verras, je te donne. Regarde. Le pays que tu vois, je te le donnerai. Mais quand on arrive à Josué, qui est fils d'Abraham, Dieu ne dit pas tout lieu que tu verras. Dieu dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Est-ce que je peux répéter ça? On dit à Abraham, le pays que tu vois, il est, mais on dit à Josué, tout lieu que tu fouleras, ce que le père a vu, le fils ne peut plus voir, le fils doit le posséder. Je suis venu vous dire, nous ne sommes pas la génération de vision. La génération de vision, c'est le père. Et Dieu ne donne pas la vision à deux personnes. Dieu donne la vision à une personne, mais il donne la possession à tout le peuple. Ce n'est pas tout le peuple qui a vu, c'est Abraham qui a vu, mais tout le peuple a foulé ce qu'Abraham a vu. J'annonce à quelqu'un, ici à Moulima 30, ce que papa a vu, ce que papa désirait a vu, nous on va le fouler, nous on va entrer, nous on va le posséder. Ne cherchez plus à voir là où on a déjà vu. Entrez, possédez. Est-ce que je peux prêcher? Pasteur, Jésus ressuscite. Jésus ressuscite. Quand Jésus ressuscite, Thomas n'est pas là. Alléluia. Thomas n'est pas là. Thomas, on dit à Thomas, on a vu le maître. Thomas, tu m'en as massé. Thomas dit, Maintenant, quand Jésus vient pour la deuxième fois, il laisse Pierre qui avait déjà vu. Il laisse Jean qui avait déjà vu. Il laisse les autres qui avaient déjà vu. Il vient vers Thomas. Il dit, toi, viens. Regarde là où on m'a crucifié. Regarde là où on m'a pressé. Avance ton doigt. Et pourtant, Jésus ressuscité ne permet pas qu'on le touche. Il a dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Mais parce que Thomas doit avoir les preuves de la résurrection, il dit, toi tu ne verras pas, touche. Est-ce que je parle à Thomas? Pierre a vu, mais Thomas a touché. Jean a vu, Thomas a avancé le doigt. Il n'y a qu'une seule personne qui a connu la profondeur de la plaie de Jésus. C'est celui qui n'était pas là. Y a-t-il un absent ici? Si les hommes t'ont disqualifié, Dieu ne t'a pas disqualifié. J'annonce à quelqu'un, s'il y a quelque chose, tu y entreras. Je ne sais pas à qui je prêche, mais je cherche une génération qui entrera dans les promesses, qui touchera les promesses, qui vivra les promesses. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il s'est arrêté dans le désert. Il est mort dans le désert. Est-ce que vous savez que Moïse n'a jamais franchi le fleuve Jourdain? Mais Josué est son fils spirituel. A franchi et il a introduit le peuple. Mais j'aimerais dire au fils, attention, même si c'est vous qui possédez, ne créez pas d'autres visions. Vous entrez dans la vision des pères. Vous entrez dans la vision des pères. J'insiste, vous entrez dans la vision des pères. À qui tu as donné la vision du tabernacle? Moïse. À qui tu as dit, fais le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré? Moïse. Maintenant, qui a fait le tabernacle d'après le modèle? Bezalel. Bezaleli. Comment Bezalel peut faire un tabernacle qu'il n'a pas vu? C'est la force de Bezalel. Si la force de Moïse, c'est de monter sur la montagne et voir le tabernacle, la force de Bezalel, ce n'est pas monter, c'est de reproduire la vision que Moïse a eue. J'insiste, nous tous, nous n'avons pas la force de voir. À certains, tu as donné la capacité de voir. À d'autres, tu as donné la capacité de reproduire la vision. À d'autres, tu as donné la capacité de soutenir la vision. À d'autres, tu as donné d'autres capacités. Ne cherchez pas le couloir des autres. Va avec la force que tu as. Quelle est ta force? Qu'est-ce que tu as? Ouf. Papa Eric, Jésus est né où? Dans une crèche, n'est-ce pas? Baba Eric, Jésus n'est pas né dans un hôpital. Il est né dans une crèche. Vous savez pourquoi? La Bible dit, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est-à-dire Jésus qui est sur le point de naître. Alukine ba problème te. Akutafuta mambo na mutu. Le seul endroit qui était disponible, c'était la crèche. Il est né là-bas. Il n'est pas né dans la crèche parce qu'il aime les endroits sales. Non. Il est né là-bas parce que c'est le seul endroit disponible. Voici la bonne nouvelle. Quelquefois ta force, c'est seulement la disponibilité pour Dieu. Si tu es disponible, même si ta vie ressemble à une crèche, Jésus viendra, Jésus naîtra. Si tu es disponible, Jésus viendra chez toi. La force, ce n'est pas seulement prêcher. La force, ce n'est pas seulement prendre le micro. Localise ta force et travaille ta force. Localise ta force. Qu'est-ce qui te rend différent des autres? J'ai toujours dit, papa, la première fois que j'ai eu un travail dans ma vie, moi-même j'étais surpris. Les Libanais là cherchaient des gens capables de porter des tissus dans son magasin. Et puis on est venu avec des CV. Avec des vestes. Il a dit, mais j'ai pas besoin de CV. Le travail que vous allez faire, c'est de porter des tissus. Donc j'ai besoin des gens forts, capable de porter les tissus. Et puis il y avait plus de 50 candidats. Quand il me regarde là au fond, il me dit, toi, viens, tu as le travail. Oh, les autres commençaient à murmurer, oh, mais comment nous on est venu, il n'y a même pas l'interview. Maintenant vous lui donnez le travail. Lui-même il leur dit, est-ce que je vous ai demandé les CV ici? J'avais besoin de quelqu'un qui est fort. Lui, je n'ai même pas besoin de vérifier qu'il est africain. Même son teint, me prouve qu'il est africain, il est fort. Papa, j'ai eu le travail parce que je suis sombre. C'est ma force. Si vous pasteur. C'est pourquoi certaines personnes, quand Dieu vient les visiter, il a déjà changé d'identité. Même en Jabungi. Reste toi-même. Sois toi-même. Ne sois pas la copie de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas la copie de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je viens ici. Tu ne seras pas la copie de ton père biologique. Là où lui il a échoué, toi tu ne vas pas échouer. Là où il s'est arrêté, toi tu ne vas pas t'arrêter. Ce qu'il a détruit, ça ne va pas te détruire. Est-ce que je parle à des hommes d'alliance? Pasteur, j'ai toujours été étonné par ce texte. La Bible dit, Josué, fils de Noun, reçut l'esprit parce que Moïse lui avait imposé les mains. Josué ne reçoit pas l'esprit parce qu'il est fils de Noun. Non, il reçoit l'esprit parce que Moïse lui impose les mains. Et regardez comment Josué commence. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, mais serviteur de Moïse. Quelle belle phrase! Josué n'est pas que fils de Noun. Il est aussi serviteur de Moïse. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Noun signifie poisson. Un poisson vit dans l'eau. Et si on vous dit que vous êtes un poisson, vous vivez dans l'eau, ça veut dire que vous ne pouvez pas évoluer parce que vivre dans l'eau, c'est l'image de la médiocrité. Or, Josué est fils de Noun. Condamné à vivre dans l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que Josué a un père spirituel qui s'appelle Moïse. Le père biologique s'appelle Noun, poisson vivant dans l'eau. Mais le père spirituel s'appelle Moïse. Or Moïse signifie celui qui a été tiré des eaux. Ça veut dire, si dans Noun je suis dans l'eau, dans Moïse je peux être tiré des eaux. Je parle à quelqu'un. Si ton père biologique a échoué, il y a ici une alliance spirituelle. Il y a ici une alliance spirituelle. Il y a ici une alliance spirituelle. Je suis venu vous dire, les limites familiales, les malédictions familiales, les blocages d'ordre familial, c'est fini chez vous. Parce que Dieu vous donne une autre force. Alors regarde ton voisin, je te donne deux minutes. Non, une minute. Regarde ton voisin, pose-lui la question. C'est quoi ta force? C'est quoi ta force? La force de Samson, c'était quoi? Samson. Les cheveux. Vous voyez les muscles de Samson? Samson. En un seul secret. Les cheveux. Les cheveux, c'est quelque chose de négligeable. Personne ne pouvait imaginer que le secret de la force de Samson, c'était les cheveux. Quelquefois, Dieu casse notre force dans des choses faibles, dans des choses insignifiantes. Papa, vous pouvez imaginer que la croix eut un bois pour nous sauver. Dieu ne nous sauve pas avec les diamants. Il nous sauve avec le bois. Dieu ne crée pas Adam avec l'or. Dieu crée Adam avec la poussière. Poussière est un la poussière ou la piétine. Entre la poussière et le diamant, tout le monde va suivre les diamants. Mais Dieu a choisi quelque chose qu'on piétine pour créer sa plus belle œuvre. Le chef-d'œuvre de Dieu n'est pas venu de quelque chose qui attire. Le chef-d'œuvre de Dieu est venu de quelque chose qu'on piétine. Si on te piétine, tu es vraiment la stratégie de Dieu. Il y a des gens qu'on cache comme l'or. Il y a des gens qu'on protège comme les diamants. Mais Dieu est allé chercher des choses inutiles, des choses qu'on piétine. Et avec ça, il a créé l'homme. Même si on dit que tu es un fumier, la Bible dit du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir. Est-ce que vous savez c'est quoi un fumier? Papa, si on met le fumier, vous n'allez pas résister. Le fumier est composé de choses inutiles. Les feuilles mortes, les branches qui ne se sont pas bien développées, la pourriture, la boue. Le fumier, c'est des choses qu'on rejette. Le fumier, c'est l'image des choses inutiles. Mais dans ce qui est inutile, dans ce qui est pourri, Dieu a placé la vitamine pour les pépinières. Pour que les plantes croissent, on a besoin de fumier. Si les hommes te rejettent, Dieu va te récupérer. Il va te placer dans une pépinière. Et c'est là que tu vas donner la vie. J'annonce à quelqu'un, ne te regarde pas selon les yeux des hommes. Ne te juge pas selon les hommes. Si ici, ils ne croient pas en toi, il y a un endroit. Non, non, notez cette deuxième chose, ça c'est intéressant. Alléluia. La première chose je dis, chacun de nous a une force. Il faut localiser cette force. Pour Samson, c'est les cheveux. Pour Gédéon, c'est le courage d'affronter Madian. Deuxièmement, deuxième principe. La force n'est utile que si elle est manifestée. Une force cachée n'est pas une bénédiction. Une force cachée n'apporte pas la solution. Pour qu'une force devienne une solution, elle doit être manifestée. J'aimais ce qu'un homme a dit. C'est le docteur Miles Monroe. Il est déjà décédé. Il dit le cimetière est le lieu le plus riche du monde. Car dans le cimetière, il y a des talents non exprimés, des forces non manifestées. Dans le cimetière, il y a des gens sur qui Dieu avait dit de grandes choses. Dans le cimetière, il y a peut-être quelqu'un qui avait un projet de faire une grande entreprise. Dans le cimetière, il y a peut-être une jeune femme qui avait des rêves, mais ça ne peut plus se réaliser. Le cimetière est un endroit rempli de force. Tous ceux qui sont morts là, il y avait des savants, il y avait des gens intelligents, il y avait des gens qui pouvaient bouleverser ce monde. Mais pourquoi cette force là ne sert plus à rien? C'est enterré. Une force enterrée n'est pas une bénédiction. C'est pourquoi son courage. Est-ce que je peux parler aux jeunes gens? La jeunesse, c'est le temps où il faut se donner totalement à Dieu. La jeunesse, c'est la période de la vie où on doit manifester sa force pour la gloire du Seigneur. N'enterrez pas vos dons. N'enterrez pas vos forces. Jésus blâme un serviteur dans Matthieu 5 parce qu'il est allé cacher son talent. Dans Ruth 4, verset 11. J'ai aimé ce qui est dit sur un certain Elimelech. Non, sur un certain Boaz. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. On parle à Boaz. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Mais écoutez la suite. Manifeste ta force dans Ephrata. Et fais-toi un nom dans Bethléem. Avoir une force est une chose, mais la manifester est une autre chose. Mais voici ce qui est intéressant. Il y a toujours un endroit dans lequel votre force sera reconnue et manifestée. Il y a toujours un endroit où votre force sera reconnue et manifestée. Je reprends ça encore. Il y a toujours un endroit où votre force sera reconnue et manifestée. Ce n'est pas partout. Il y a des gens pour qui vous ne représentez rien. Ce n'est pas grave. Quittez cet endroit. Localisez le lieu où votre don est reconnu. Même Jésus, dans sa ville natale, il n'a pas accompli beaucoup de miracles. Parce que là-bas, on disait, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas ses frères et ses sœurs sont au milieu de nous? Et là, Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Même Jésus a localisé les terres qui lui étaient favorables. Il a ressuscité Lazare à Bethanie. Pourquoi? Partout où votre force est acceptée, aussi les lieux qui animent et activent cette force. Donnez-moi un bon amen, je vais avancer. Amen. Regardez Lionel Messi. On est Lionel Messi. Il y a des gens qui aiment le foot ici. Hein? Voilà. Papa Eric. Papa Eric. Lionel Messi à Barcelone, c'est le même Lionel Messi à Paris Saint-Germain. Oui, Lionel Messi, Koulengambo à Barcelone, à Paris Saint-Germain, il y a un hein? Oh, mais c'est toujours Messi, non? Il y a Lionel Messi. C'est toujours celui qui sait jouer. Il y a une chaise. La force n'a pas changé. Le talent n'a pas changé. Mais c'est l'environnement qui a changé. Ce qui fait que quand on change d'environnement, on n'est plus capable de faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Voici la bonne nouvelle. Jésus dit, dans la ville où on va vous accepter, laissez la paix. Priez pour la paix. Mais si on ne vous accepte pas, ne dégagez pas la force, ne manifestez pas la force là où on ne vous accepte pas. Tournez-vous, allez ailleurs. Je vais parler à mes filles ici. Si un jeune homme te dit, toi et moi c'est fini, ne pleure pas. Tikaye. Tikaye. Tikaye. Tikaye. Ouache. Ouache. Papa. Baba. Si je suis riche, on me dit Malon est mort, je vais pleurer. Mais puis avec Malon, j'ai fait 10 ans, il n'y avait rien. 10 ans sans enfant. Malon signifie malade. Il y a des fiancés malades. Il y a des relations malades. Il y a des postes malades. Tu travailles là-bas, mais le salaire est malade. J'appelle ça travail malon. Fiancé malon. Mais quand Ruth quitte plutôt Moab après la mort de Malon, Ruth rencontre qui? Boaz signifie quoi? En lui est la force. C'est pourquoi les anciens lui disent, manifeste ta force. Et c'était quoi la force? Ruth est tombée enceinte. Et de cette union est né Obed. Obed a engendré Isaïe. Isaïe a engendré David. David est devenu la lignée du Messie. Alors que Ruth est Moabite, on dit le Moabite et l'Ammonite n'entreront pas en Israël. Ruth brise cette loi. Non seulement elle entre en Israël, mais elle donne naissance à David, le grand-père du Messie. Regardez la généalogie de Jésus dans Matthieu 1. Il y a le nom de 5 femmes. Aucune femme n'entre dans une généalogie. Si vous lisez la généalogie d'Adam, il n'y a pas le nom de femme. Mais dans la généalogie de Jésus-Christ, le Messie d'Israël, il y a le nom de Ruth. Pourquoi? Parce que Boaz a manifesté sa force et Ruth est arrivée à Bethléem. Voici la bonne nouvelle. Si un fiancé te quitte, laisse-le. Boaz arrive. Est-ce que je parle à des jeunes sœurs ici? Boaz arrive. Faut pas pleurer. Je vous déconnecte de tout ce qui est maladif dans votre vie. Si ce travail là te donne des maux de tête, je prie Dieu ce soir qu'il vous donne un autre positionnement. Papa, la force pour être manifestée nécessite un endroit qui peut l'accueillir. Je reprends. La force pour être manifestée nécessite un endroit qui peut l'accueillir. Il y a des terres qui ne vous sont pas favorables. Il y a des endroits. Peu importe ce que vous allez faire. On dit madame Angoyote. Dala, Bouddha. Moi dans ma vie, je ne cherche pas à convaincre les gens. Il y a des gens, même si tu amènes le ciel sur la terre. On dit madame Angoyote. Daudi anakimbia mjangwa. Anafika mshimo. Ndani ya ile shimo. Biblia inasema. Basi watu 14 walikuwa pamoja naye. Watu 14 walikuwa juu yake. Sikieni. Hata kama Yerusalemu yote ikutake. Kwenda mshimo. Kata om. Watakuwa kuitika. Hapana utaenda sema na mtu. Kuna moyo ayefute. Bandu yake balimwambia, "Weye, hapana hapa. Kwenda mbali." Balimfukuzaka. Wako mtoto ya kahaba. Balimfukuza. Hapana kubakia pale bana kukatana wanakufuta. Chefte est parti. Yefute alienda. Il est allé où? Alienda wapi? A Tob. Alienda a Tobi. Tob. Kuliko Tobi. Et la Bible dit, la Bible anasema, les gens de rien sont venus vers lui. Frère, faites attention. Tobe, c'est l'environnement qui a accepté Jephté. Et les hommes de rien qui sont venus après Jephté, c'est avec eux que Jephté a commencé ses expéditions. Et plus tard, ceux qui l'avaient rejeté, ils sont venus le chercher pour lui dire pardonne-nous, tu es seulement notre sang. Je suis venu dire à quelqu'un, ils viendront te demander pardon, ils diront limisabisotoye va quitter, tu es seulement notre frère, tu es seulement notre sang. Mais en attendant, ne te bats pas pour les convaincre. Pendant que je prêche ici, je suis en train de parler comme un prophète. Si ce travail-là n'est plus adapté pour que tu manifestes ta force, que Dieu te fasse quitter vers un autre travail. Si cet environnement-là ne te permet plus d'évoluer, que Dieu t'amène ailleurs. Papa, on dit à Boaz, manifeste ta force pas n'importe où. Dans Bethléem, dans Ephrata, ça veut dire si Boaz va ailleurs, sa force ne va pas se manifester. Écoutez-moi, vous avez une force. Mais vous n'allez pas la manifester partout. Ce n'est pas tout endroit qui croira en cette force. C'est pourquoi moi dans ma vie, j'ai un principe. Je n'évolue qu'avec ceux qui croient en moi. Ceux qui ne croient pas en moi, je ne les rejette pas. Mais je n'avance qu'avec ceux qui croient. Si vous êtes entouré des gens que vous cherchez à convaincre, vous allez passer du temps pour rien. Écoutez avant de finir. Je suis dans Genèse. Dieu crée le ciel et la terre. Après avoir créé le premier jour, qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce que Dieu avait fait, cela était bon. Deuxième jour, tout ce que Dieu avait fait, cela était bon. Troisième jour, tout ce que Dieu avait fait, cela était bon. Quand on arrive au sixième jour, après avoir créé l'homme, la Bible dit, tout ce que Dieu avait fait, cela était très bon. Comment on a quitté du bon à très bon? Qui a évalué Dieu pour lui dire c'est très bon? Dieu est tellement Dieu qu'il n'a pas besoin de vos avis. Même si vous ne dites rien, lui-même il dit c'est très bon. Il n'a pas besoin des anges. Lui-même, c'est très bon. Voici ce qu'il faut faire. Si Dieu a déjà dit que vous avez une force, ne cherchez plus les avis des hommes. C'est déjà très bon. Si Dieu a déjà dit, va avec la force que tu as. Ne cherche pas que les gens puissent valider. Ce que Dieu a déjà validé, c'est très bon. Ce que le ciel a validé, c'est très bon. Ne cherchez pas que les gens vous encouragent. J'en parlerai dimanche, mais j'anticipe. Papa, il y a des gens, ils ont la force, ils ont des capacités. Mais pour les manifester, ils attendent que les gens les poussent. Papa, tu ne feras rien. Nous, on se réveille chaque matin. Même si personne ne nous pousse, le ciel nous a déjà poussé. Même si personne ne dit courage, le ciel nous a déjà encouragé. Nous ne vivons pas au rythme des hommes. Nous vivons au rythme de Dieu. Alors je dis à Gédéon, manifeste ta force. Manifeste sa force. Si c'est ici à Likasi, manifeste sa force. Si c'est aux États-Unis, si c'est au Canada, si c'est à Paris, manifeste ta force. Je ne sais pas.